Vous m'invitez ici, vous m'avez classé parmi les pays les moins avancés. Vous dites maintenant moins avancé par euphémisme, alors qu'en réalité, vous nous insultez, vous dites que nous sommes le pays pauvre. Absolument. Évidemment, un pays pauvre, c'est un pays, évidemment, qui est mal gouverné, qui est pillé par ses propres dirigeants. Donc, du coup, il demande le secours international. Et pourquoi on lui vient en aide? On va d'abord le civiliser de nouveau, lui apprendre à bien gérer, lui apprendre à ne plus piller son pays. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ça ne peut pas être le cas, c'est loin d'être le cas. Absolument. Donc, il aura dit, ok, je vous rappelle donc dans le cadre-ci, que c'est l'Occident. Toi, Onula, tu es Occident. Tu es l'organisation occidentale, blanche même à la limite. C'est vous qui pillez la Centrafrique depuis 1960. Afrique Média, le monde, c'est nous.